La Corée vient de classer le minerai de Massignon et celle de Daehabun pour protéger par loi. Le minerai de Massignon, découvert en août 2013 par les bâtisseurs de la station de ski de Massignon, est savoureuse et effective à la santé et à la longue vie, notamment pour le cœur, la dissolution des troubles de digestion et la revitalisation. Il en est de même pour l'eau de Daehabun, découverte en 1974. Elle contribue largement à la vie et à la santé des habitants.